ici ou bien d'ailleurs. Paladin ou baladeur, regardez bien les acteurs, de gens qui rient, gens qui meurent, c'est l'histoire de Max et les ferrailleurs. Il avait ni frère ni sœur, ni le bon Dieu dans le cœur. Les gendarmes s'envolent, il a semé une fleur de poison dans l'esprit des ferrailleurs. Eux qui n'avaient jamais pensé qu'à vivre plus ou moins mal, il les a conduits au bal. Le bal, c'est un mot d'argot pour la tôle ou le dépôt. On y trouve des gogos qu'on a menés en douleur. Le beau Max a bouclé des ferrailleurs. S'ils avaient su qu'il était un vrai lardu, un condé, ils se seraient doutés que Max leur ferait payer une belle taxe de séjour, chambre avec vue sur la cour. Eux qui n'avaient jamais pensé qu'à vivre de quatre sous, il en a fait des voyous.